De POC à Figaro, la phonothèque du Festival Printemps des Comédiens et de l'Institut de Recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Collection Shakespeare confiné. L'attente. Hamlet. Texte et voix de Florence Marc. Lecture extraite du Hamlet de William Shakespeare dans la traduction d'Yves Bonnefoy et dirigée par Béla Tsouponne. Voix de Hélène Debussy, Béla Tsouponne, Florent Dupuis et Silver Santin. Qui est là ? C'est à vous de répondre. Halte ! Qui êtes-vous ? Vive le roi ! Bernardo ? Lui-même. Parfaitement à l'heure. Minuit va te coucher, Francisco. Grand merci pour cette relève. Quel âpre froid ! Je suis transi jusqu'au cœur. N'as-tu rien remarqué ? Pas l'ombre d'une souris. Bonne nuit, donc. Si tu vois Horatio et Marcellus, mes compagnons de guet, dis-leur qu'ils se hâtent. Je crois bien que je les entends. Halte ! Qui est là ? Ami de ce pays ? Loyaux sujet du roi. Je vous souhaite une bonne nuit. Ah, mon brave, bonsoir. Qui vous a relevé ? Bernardo. Je vous souhaite une bonne nuit. Oh, Bernardo ? Oui, dites-moi, est-ce Horatio qui vient là ? Ce qu'il en reste. Soyez le bienvenu, Horatio, et vous aussi, mon cher Marcellus. Alors, a-t-on revu la chose cette nuit ? Je n'ai rien vu. Horatio dit que ce n'est qu'un rêve. Il ne veut pas accepter de croire à l'horrible vision que deux fois nous avons eue. Et c'est pourquoi je l'ai pressé de venir avec nous pour épier ces heures de nuit. Si ce spectre revient, il pourra rendre justice à nos yeux et lui parler. Bah, il ne se montrera pas. Asseyez-vous un moment, et une fois de plus nous assiégerons vos oreilles, qui sont si fortifiées contre nos paroles, de ce que par deux fois nous avons vu. Eh bien, asseyons-nous. Écoutons Bernardo. La toute dernière nuit, quand l'étoile là-bas, à l'ouest du pôle, en vint à éclairer cette région du ciel, où maintenant elle brille, Marcellus et moi, l'horloge sonnant une heure... Attention, arrête ! Regarde-le qui revient ! Exactement semblable au roi qui est mort. Tu es savant, Horatio, parle-lui. N'est-ce pas qu'on croirait le roi ? Regardez bien, Horatio. Tout à fait, il m'accable d'effroi et de stupeur. Il voudrait qu'on lui parle. Questionne-le, Horatio. Qui es-tu ? Qui usurpe ce temps de nuit ? Et la superbe apparence guerrière sous laquelle a marché jadis la majesté du roi de Danemark qui est mort ? Par le ciel, parle, je te l'ordonne. Nous l'avons offensé. Regardez-le, il s'éloigne. Reste, parle, parle, je te l'ordonne, parle. Il est parti sans vouloir répondre. Eh bien, Horatio, vous tremblez, vous êtes pâle. N'est-ce pas que c'est là bien plus qu'un rêve ? Qu'en pensez-vous ? Dieu m'est témoin. Je n'aurais pu le croire sans cette garantie sensible et sûre que me donnent mes yeux. N'est-ce pas qu'il ressemble au roi ? Comme à toi-même, tu te ressembles. Et telle était l'armure qu'il portait quand il a combattu l'ambitieux Norvège. Et ainsi fronça-t-il son front dans cette âpre dispute quand il a renversé les traîneaux polonais sur la glace. C'est bien étrange. Deux fois déjà, juste à cette heure morte, il est passé de ce pas de soldat devant notre poste. Que faut-il en penser ? Je n'en sais rien. Mais ma première idée, c'est que c'est l'annonce de bouleversement pour notre pays. Asseyons-nous. Et celui qui le peut, je l'en prie, qu'il me dise pourquoi ce guet si strict et si vigilant fatigue chaque nuit les sujets du royaume ? Et pourquoi chaque jour on coule tant de canons de bronze ? Et pourquoi l'on importe tant de matériel de guerre ? Et pourquoi tant de charpentiers sont requis, dont le dur labeur ne connaît plus semaine ni dimanche ? Que va-t-il advenir pour que cette hâte fiévreuse attelle ainsi la nuit au travail du jour ? Quelqu'un peut-il me le dire ? Les premiers mots d'Hamlet, qui est là, situent d'emblée l'attente à un double niveau. Au niveau interne de la fiction, d'abord. Qui est là ? C'est la question inquiète du garde qui attend la relève, tout en craignant que n'arrive le fantôme. Et au niveau externe de la relation entre scène et salle, qui est là ? C'est aussi la question qu'adresse le comédien au public, réuni ce soir-là pour voir ce qui s'annonce comme une tragédie de vengeance. C'est la question du rendez-vous théâtral. Dès le début, Hamlet se construit comme une tragédie de vengeance. Genre très populaire dans l'Angleterre de la Renaissance. Tous les ingrédients sont là. des gardes qui patrouillent sur le chemin de ronde d'une forteresse, un fantôme qui revient hanter les lieux de son meurtre pour demander que justice soit faite, minuit, l'heure du crime, de la peur, de l'insomnie, le début de l'attente, d'une longue attente qui va durer 5 actes. Car la revanche promise ne vient jamais, ou alors elle se trompe systématiquement de cible. Polonius est tué par méprise, Ophélie se noie après avoir perdu la raison, Guildenstern et Rosencrantz sont envoyés à la mort inutilement, Gertrude et Laerte sont empoisonnés, le vengeur lui-même est tué. Il faut attendre 5 actes pour que cette vengeance, constamment différée, soit enfin perpétrée. Elle vient in extremis, avec le dénouement, au moment où on ne l'attendait plus. L'amorce conventionnelle du genre ne tient donc pas ses promesses. Shakespeare se joue du spectateur. Il détourne les conventions de la tragédie de revanche, qui ne sont finalement qu'un prétexte pour appâter un public dont il frustre les attentes. Hamlet, outrage au spectateur. Hamlet ou la tragédie de l'inaction. Le degré zéro de l'action, du drame. Car drama, étymologiquement, signifie action, mouvement. La force d'Hamlet réside tout entière dans ce paradoxe, cette tension, ce mouvement bridé, ce désir d'action frustré. Et c'est là, dans cette faille, que se loge le tragique. Pour André Jol, le tragique survient quand ce qui doit être ne peut pas être, ou quand ce qui ne peut pas être doit être. Ce que résume efficacement Vladimir Yankelevitch, le tragique, c'est l'impossible nécessaire. La nécessité pour Hamlet, c'est perpétrer la vengeance ordonnée par son père, le roi assassiné, rétablir l'ordre, la justice, la filiation, sauver l'honneur. Quelque chose est pourri dans l'état de Danemark. Le temps est disloqué et le globe détraqué. Et Hamlet de se lamenter « Ô destin maudit, pourquoi suis-je né pour le remettre en place ?» Le problème d'Hamlet, c'est qu'il ne parvient pas à actualiser cette nécessité, à la mettre en acte. Hamlet est en quête de certitude vis-à-vis des motifs de la vengeance. Le fantôme n'est-il pas une illusion? Son discours est-il fiable? Comme des conséquences d'une telle vengeance. Les monologues auxquels il se livre de manière répétée, et il y en a 7 dans la pièce, sont le lieu privilégié de son conflit intérieur, des débats auxquels il se livre avec sa propre conscience. Ils sont l'expression d'un dédoublement, d'un moi qui vole en éclats. Hamlet y déconstruit systématiquement la possibilité de l'acte. Quoi? Pourquoi? Comment? Et après? Son discours a beau se couler dans un cadre rationnel, une syntaxe et une rhétorique de la logique, d'hypothèse en projection, sa pensée s'égare, le poussant dans le détail des choses en l'empêchant de les résoudre. Paralysé par le doute, Hamlet blâme la conscience qui, je cite, « fait de nous tous des lâches ». Alors qu'il intime au comédien ambulant de « régler le geste sur le mot et le mot sur le geste », Hamlet se trouve dans l'incapacité de réconcilier les termes de la dialectique. Le verbe est pour lui logoré qui anéantit l'action, et lorsque celle-ci advient enfin, elle conduit au silence. Le reste est silence. Un silence radical, puisqu'il anéantit le verbe dans la mort. D'un côté, donc, la pièce frise l'antidrame. De l'autre, elle verse dans l'hyper-théâtralité, puisqu'elle donne à voir, entre autres, des comédiens qui répètent, une tragédie en cours d'adaptation, une représentation dans la représentation. Véritable laboratoire de théâtre, elle invite le spectateur à habiter l'attente en explorant la nature et les limites du médium théâtral, ainsi réfléchi à tous les sens du terme. Ce podcast a été réalisé par le Printemps des comédiens et l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, laboratoire sous la double tutelle du CNRS et de l'Université Paul-Valéry Montpellier III, avec le soutien du ministère de la Culture. Lecture dirigée par Bella Tsoupone, conseiller artistique Julien Bouffier, composition musicale Jean-Christophe Sirvin, montage Éric Guénaud.